Hey, eh bien, tout d'abord, bonne année à tous. Bonne année. Hein ? Et qui dit nouvelle année, dit épisode hors série. Alors, bienvenue dans le seul et unique épisode annuel de Road to Country. Trinquage. Très con. Habituel. À la bonne tienne. Ça me fait vraiment plaisir d'être... Ah oui, d'accord. Ok. Alors... Parce que... Oui ? Non. Et donc ? Ah bah, parce que non, je pensais que c'était le moment de... Ah bah écoute... Je voulais te remercier avant toute chose de m'avoir fait venir ici. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi. Ah, c'est gentil. Alors donc, ces petites vacances ? Bah écoute, tu sais ce qu'on a fait, j'ai montré aux enfants comment on mettait des bêtes à mort et c'était pas super joyeux pour eux, mais... Ouais, je comprends. C'était un peu un Noël initiatique, c'est ce qu'avait fait mon père avec moi quand j'étais jeune et j'étais quand même fier de le refaire. C'est sympa. Ouais, on a passé un bon moment, on a bu pas mal de whisky, t'aurais dû voir, enfin tu sais. Normalement, le rite initiatique se finit par boire une goulée de sang dans la Santiago. C'est ça. Voilà. C'est ça, mais je savais pas. Je savais pas si on pouvait dire ce genre de choses à ton antenne. Bon, bien sûr que si. Bah alors, on est là pour ça. Un animal mort, par contre, hein, je tiens à préciser. Ah, bien sûr. Oui. Tu es dans les normal. Règles de la country. Bah, bien sûr. Et le sang chaud. Oui. Hein, encore. De la bête. Et puis-je me permettre de te poser, de te retourner la question ? Oh, bah, moi, ça a été très calme. Hein. On a dansé. Hein. On a classique. Écouté beaucoup de musique. Ouais. Hein. Voilà. Bu beaucoup de whisky. Voilà. Après, rien de bien. Toujours le même ou de variantes ou... C'est souvent le même. Hein. Ah oui. Ouais, ouais. Bah, j'ai initié mon petit dernier de 5 ans. Normal. Il a bu sa première goulée de whisky. Ah, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a une photo ? Il y a des photos. J'ai même une vidéo. Parce que bon, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est, vrai peut, bon, c'est plus facile. C'est vrai que c'est vrai. Ça. Bon, il était pas bien. Hashtag il grandit trop vite. C'est ça. Et ouais, non, il était à la limite d'être malade, mais il est robuste. Et, il a de qui tenir. Il a de qui tenir. Mmh. Hein, c'est un gars de la campagne. C'est vrai. Voilà, on lui a acheté sa première salopette aussi. Il était content. Ah, enfin, voilà. Pour commencer, oui. Rappelons en deux mots ce qu'est la country. Mmh. Pour tous les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui bien sûr, forcément, sont arrivés là par hasard. Voilà, qui sont là par ça hasard. Arrive, hein, c'est arrive. Comme on zappe, on arrive, et bon, bah, on tombe dessus. Ouais, hein. Ça peut surprendre. On est intéressé, on est intrigué, on ne sait pas. Mm. Et du coup, on s'arrête et on écoute. Alors, qu'est-ce que la country en deux mots ? Musique, cowboy. Bon, ça fait trois mots. Je me suis permis d'attacher co et boy. Yeehaw ! Ah, c'est marrant, parce que t'as dit attaché, ça fait penser un peu au lasso. Ouais, ben ouais, mais voilà, nous on a un peu d'humour aussi dans la country, ça, c'est vrai. Normal. C'est vrai, j'aime beaucoup ton humour, Bobby, moi c'est pour ça que j'écoute. Écoute, ça me fait plaisir, mon Jackie. Alors, pour commencer, dis-nous tout, toi, Jackie, la musique country, c'est le kiff de ta vie ? Alors, si je devais être honnête, ça arrive en deuxième. Après le whisky, bien sûr. Ah, c'est bon, faut toujours rigoler. Mais c'est vrai qu'un bon whisky, en même temps, ça peut passer en même temps. C'est vrai, c'est vrai. La country, le whisky, mais l'un ne va pas sans l'autre, comme on dit. J'aime pas faire de mélange. C'est très bon. Ok, merci mon Jackie. Eh bien, lançons-nous directement dans l'actu. Oh, combien palpitante du monde de la country music. Ah, ça, ce que c'est palpitant. Ça, c'est... Bien sûr que c'est palpitant. C'est palpitant. Ah. News Country. The Customers se produiront à Vannes le 4 janvier 2019, puis Lorient le 5. C'est passé, malheureusement. Oui. C'est dommage. C'est vrai. J'ai été les voir. Ouais. Le 4. Franchement, c'était bien. T'es pas retourné le 5 ? Non, j'y suis pas retourné le 5 parce que je pouvais pas, j'avais une répétition. Normal. Hein, sinon, j'y serais bien allé tellement c'était bien. Comment t'arrives à mener de front tous ces projets ? Je veux dire, aller à des concerts, un podcast, ce club de danse ? Ah bah écoute, c'est de l'investissement et pas mal de whisky. Ok, alors, on les retrouvera à Quimper et Saint-Brévin, les pins. Ouais. Le 21 et 22 janvier. Donc là, les pots, mais c'est pas du tout le même endroit. Les ponts ? Les pots. Les pots ? Mmh. Ah, bon. Non, c'est pas le même endroit. C'est là, c'est les pins. C'est les pins. Donc le 21 et 22 janvier, hein, ce coup-ci, les loupez pas. Non. Parce que franchement, ça vaut le détour. Je crois d'ailleurs que c'est leur tournée d'adieu. C'est fort possible. C'est fort, fort possible. Mais les connaissants, ils l'ont peut-être pas dit sur scène parce qu'ils sont... ils sont assez, assez simples. Ouais, généreux, ils donnent et bon, voilà. Ouais, ouais, c'est des gens qui restent assez humbles. C'est vrai. Dans l'esprit country. Bah, en même temps, ils sont deux, ils ont chacun un tabouret. On peut pas faire plus, enfin, moins humble. Bah, écoute, non, je trouve qu'au niveau de la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est vrai. Ouais. Lily West. Petite Lily. Sera quant à elle le 12 janvier à la Guerche, sur le bois, hein, et le 2 et le 9 février à Bernex et Saint-Hermine. Là. Hein, alors c'est pareil, la loupez pas parce que franchement ça vaut le détour. J'ai déjà mes billets. Hein. Tu m'étonnes. Bah moi je suis invité donc c'est différent. Je vais pas dire que je te jalouse. Je vais pas le dire. Ah je sais bien. Je vais pas le dire. Mais bon c'est comme ça. Je pèle. Ouais. C'est certainement mon séjour. Hein. Alors et qu'en est-il de nos amis des hobos? Je te pose des questions. J'ai pas trop de nouvelles, moi, perso. Ah, tu sais pas. Ça fait un moment que t'en as pas parlé aussi. C'est vrai que ça fait un moment. Et là, je vais en parler et j'en parle. Eh bien, ils seront, pour votre plus grand plaisir, chers auditeurs, le 24 février à Pouldreuzic. Alors, ce coup-ci, les loupez pas. Bah, du coup, tu me fais quand même pas mal hésiter, hein, parce que j'ai un budget assez serré. Pour la musique. Je vais pas te mentir. Pour l'ambiance country. Je ne suis pas forcément aussi souvent invité que toi. Lily West, c'est pas donné quand même. C'est Lily West. Les hobos, ouais. Non. On fond avec les poppies, qui est un... Oui, c'est vrai. Qui n'a rien à voir avec la country. Rien à voir. Non, d'accord. Bah, c'était ça. Donc, voilà. C'est ça. Ouais, je comprends. Donc, c'était ça, du coup. Ah, donc voilà pour les infos concerts. Mm-hmm. Donc si vous avez l'occasion hein, de participer à ces concerts, n'hésitez pas au retour. Hein. Faut rappeler aussi qu'en plus c'est important d'aller voir les artistes en concert. Ah bah bien sûr. Parce que faut pas oublier que tout ce qu'ils vous donnent, faut leur rendre un jour. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Faut leur rendre. Tout à fait. Meilleur moyen de leur rendre que d'aller les voir? C'est légitime. Et de leur dire. C'est beau ce que tu dis. On vous rend. Parce que c'est des gens qui sont simples et qui sont là à la fin de chaque concert. Mais oui. Et qui. N'hésite pas à faire un petit pas de danse avec nous comme ça. Voilà. Et on peut, si on veut, même prendre des photos. On peut faire ça. Même chanter ensemble. Bien sûr. Hein, prendre la guitare. C'est des moments tout simples. Ils la descendent, ils l'amènent avec eux. Voilà. On prend la guitare et on chante tous ensemble. Hein. C'est vrai. Tout en buvant du whisky. Enfin, un bon bourbon, du Kentucky. Oui, non, mais là, on peut se faire des variantes. On n'est pas non plus fermé. Je croyais que tu mélangeais pas. Des variantes. Ah. Variantes. Ah ouais, mais attention aux variantes. Bah, hein, oui, je... Parce que des fois, ça peut vite t'emmener dans des situations très sinueuses et très sombres. Où tu veux pas aller. Voilà. Très bien. Nous, c'est le soleil, la paille et... Et le tutti quanti. Oh, tu parles italien? C'est beau. Je parle une ribambelle de langue. Une ribambelle. C'est beau. Merci. Alors, passons, si vous le voulez bien, à cette grande nouvelle. Le mensuel de la paille dans Métiags a récompensé Edson's, marque de chapeau très réputée, dont la fabrique est basée à Maverick, Texas. Eh bien, tenez-vous bien, la marque Edson's, avec son célèbre chapeau, le Black Canyon Swore, a été élu meilleure vente de l'année 2019. Et ça, bravo à eux. C'est pas l'année 2018 ? 2019 et 2018, parce qu'ils prévoient déjà... Excusez-moi. Je vais la refaire. Meilleure vente de l'année 2018. Alors, j'ai pas voulu te couper, c'est juste parce que je me dis que si des gens tombent sur ton épisode... Bien sûr. À un moment genre septembre 2019... que c'est pas le bon chapeau. Voilà. Tu vois, non, je comprends. Et la bonne marque aussi, du coup. Voilà, hein. Du coup. Ouais, je comprends. Donc, non, mais t'as bien fait. T'as bien fait. Tu es mon invité et tu as toute la parole qui te est représentative. C'est gentil. Et du coup, moi, j'ai hésité à me le prendre pour le Black Friday, ce modèle-ci. Alors que toi... Il est vrai que je me le suis procuré, le Black Canyons War. Et franchement, ce chapeau est de toute beauté et d'un confort irréprochable. En même temps, je fais du 54, donc c'est facile pour moi. Bah oui, c'est pas trop non plus de soucis voilà. De ce côté-là. Et j'ai pas regretté mon achat, hein. C'est pas... franchement, pas du tout. Hein. Non, c'est de l'argent bien dépensé, quoi. C'est comme, petite question, est-ce que tu crois que c'est un modèle qu'on peut porter en toute saison? Alors, oui et non, parce que ça dépend du modèle que tu veux prendre. Soit ils le font en feutrine, soit ils le font en cuir. D'accord. Et moi, j'ai pris le modèle cuir. Parce que justement, j'allais me demander si on peut s'y mettre en toute situation. Alors, tu peux le porter avec une petite chemisette. Ouais. Bon, enfin, chemise manche longue, avec une petite cravate. Mm-hmm. Un entretien d'embauche. Figure que tu veux, éventuellement. Ouais, tu vois, pas mal. Avec, ça impose quand même. Tout de suite, je veux dire, tu montres qui tu es, quoi, tu vois. D'ailleurs, je me faisais la réflexion, est-ce que tu crois pas qu'en mettre un pour un mariage, ça serait pas créer le doute en disant, mais c'est lui qui se marie, tu vois, Je sais que des fois, moi, on m'a un petit peu posé la question en me disant, mais vous êtes une personne connue, célèbre, et du coup, j'étais un petit peu obligé de leur dire, parce que ça renvoie, on en impose, comme on dit, avec un chapeau. Excuse-moi de le dire, et c'est un peu gênant parce que je suis invité, mais tu es quelqu'un de célèbre. Oui, mais bon, je préfère pas... Bobby je suis quelqu'un d'assez humble, hein, quand même, dans le... Oui. Tu peux pas non plus... Je sais. Mais voilà, après, je préfère raison garder. Mm-hmm. Tu vois, et me dire que... Et chevaux rangés. Et chevaux rangés, bien au ranch. Mm. C'est très important. Bien. C'est vrai. Voilà, donc je préfère rester humble. Et je suis proche de mon public. C'est tout à ton honneur. Voilà. Regarde, il n'y a pas si longtemps ça, je t'envoie juste un message. Aujourd'hui, je suis avec toi, quoi. Ben voilà, c'est ça. C'est ça, moi, ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, tu es là. Et moi, je suis totalement ravi de te recevoir. C'est gentil, c'est gentil. Hein, c'est gentil. J'aurais pu inviter... Miguel, mais je crois que tu Miguel, pas... non, il n'était pas disponible. Il était en voyage à ce moment-là. Il était un peu... Il est en Europe, je crois. Puis un peu, ouais, mexicain aussi. Alors. Ouais. Bah, c'est pas grave, après, ça reste un cow-boy. Hein. Mais oui. Il est très très bon. Je l'adore d'ailleurs. Miguel, si tu nous écoutes, je crois qu'il nous écoute parce que justement, il est souvent. À l'affût. Hein. C'est ça. À l'affût de tout ça. Au fait. Bon, ça m'a un petit peu perdu, moi, tout ça. C'est beaucoup d'émotions. Ah là là là là. Alors, passons à un tout autre sujet. Hein. Toujours dans le mensuel de la paille dans Métiags, nous avons pu lire dans la rubrique Faits divers scientifiques qu'un homme habitant à Maverick, Texas, a fait l'agréable découverte ce mardi d'un whisky fossilisé datant de 1934 de notre ère. Eh ouais, monsieur. Alors ça, franchement, moi, je reste... Je suis épaté parce qu'on peut s'amuser et apprendre. Ah ben bien sûr, on est là pour ça. Ah oh, c'est. Et tu vois, tu te dis quand même que c'est pas rien quoi. 1934, ça reste une grande année quoi. C'est quand même assez ancien. C'est pas tout jeune quoi. Il y avait pas Netflix je crois à cette époque-là. Ça dépend. C'est quoi Netflix? Tu regardes pas des trucs de. Je suis pas à la télé moi. Moi non plus. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc voilà, Mr. Flanagan, hein, qui était apparemment tranquillement en train de fumer la pipe, il jouait du banjo sous son Porsche, et quand il y a une pierre comme ça, qu'en était pas une apparemment, qui vient de tomber sous son nez. Hein. Les scientifiques sont bien formels, il s'agit d'un whisky dont tous les fûts sont éteints depuis des années, et qu'on le revoit surgir comme ça, sans crier gare, ni même... Yeehaw! À Maverick, Texas. C'est impressionnant. Et la rédaction, forcément, de Road to Country ne peut être qu'émue de cette découverte. Je suis un peu ému aussi. Bah, moi, pareillement. Hein, c'est assez... Je suis totalement. Je reste sans voix. Hein, et j'espère que ils l'exposeront et que. Justement, je me pensais reste à savoir la place qu'ils vont lui donner. Bah bien sûr. Au show dans un musée ou dans un gosier. On te reconnaît bien là, hein, mon petit Jackie. C'est ça qui est sympa avec toi, c'est que t'as toujours. J'ai souvent des likes commentaire des gens qui trouvent que j'ai une bonne répartie. Ah mais t'as une très bonne répartie et gentil, ça fait plaisir à entendre. C'est un peu aussi pour ça que t'es mon invité préférentiel. À la base, tu sais, j'aime pas trop forcément de faire. Enfin, et là, je sentais bien. Ah non, c'est bien. Merci à toi de cette répartie. Qui complète, tu fais attention. Hein. Oui, j'ai bien que t'es pour habitué de tout ça. Hein. Alors, une autre news, toujours dans toujours avec notre sponsor hein, de la paille dans Métiags. Hein, nous apprenons avec une grande tristesse, hélas, la fermeture de l'école de danse country de Sainte-Suzanne-sur-Vire. Voilà. Soutien aux familles, hein, nous sommes de tout cœur avec vos Stetson. Vautiags. Whisky et pouliche à vous. Voilà. Bon, on va pas faire une minute de silence parce que très radiophonique, mais le cœur y est. Et je pense que c'est pas ce qu'ils voudraient. Non, je pense pas. Je pense qu'ils sont plus sur le. C'est débattant. Moi, je sais que même quand il était en train de fermer, il continuait de faire des cours devant. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Bon, ouais, dans le tout venant, mais c'est. Ouais, ça pouvait gêner parfois un peu la circulation. Ça gênait un peu. Ouais. Bon. Bah, c'est surtout que c'est moins évident que sur du parquet ou sur de la terre battue. Ah, il y en avait quand même 2-3 qui surveillaient les voitures qui étaient un peu moins en rythme quand même. Ah, y a eu des blessures, il y a eu des foulures, il y a eu des blessés plus ou moins. Mais bon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. La fermeture a été faite dans le calme et la convenance. Et rien qu'une bonne balade à cheval peut réparer ? Non, c'est sûr que de toute façon... Voilà, on est là pour eux. Hein. S'ils ont un message à faire passer, ils seront les bienvenus. C'est vrai. De toute façon. Vrai, hein, voilà. Et s'ils réouvrent, par exemple, hein, une école de danse n'importe où, hein, dans le coin, c'est avec grand plaisir que je leur offrirai les Tiags, hein, avec lequel j'ai gagné le concours de danse en 94. Je te sens très ému. Ah, ouais, je le suis. Si je les suis, auditeurs s'en rendent compte, mais moi, qui suis face à moi, tu te sens pas gêné, pas mal à l'aise, mais un peu ému, quoi. Ah, on me dit solide comme un roc, mais en même temps, derrière tout ça, il y a un petit cœur qui bat. Et forcément, quand ça touche des frères et des sœurs, ça me touche moi, quoi. C'est voilà. Scotch on the rocks. Si tu vois ce que je veux te dire. Surtout scotch. Enfin, ça me scotche. Oui, j'ai compris. Voilà. Pas le. Voilà. Enfin bon. On va finir sur une meilleure note. Ouais. Hein, avec la création par une famille du Bronx d'un nouveau pas de danse. T'as entendu parler de ça, t'as mon petit Jackie ? Non. Non. Ah bah écoute. Écoute ça, tu vas être sur le cul, c'est tout. C'est après des années d'essais et surtout hein, d'échecs. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Hein, c'est dans l'essai, l'échec. Ouais. La sueur et le sang. Que la famille Marlon, une famille où tous les membres vivent country, a créé le Rolling Foots and Slap Your Legs. Un pas qu'on ne peut réaliser qu'à 5. Déconseillé aux débutants, hein, donc forcément. C'est dommage. On est minimum. On n'est que deux, là, c'est dommage. Bah, c'est dommage, on aurait pu le tenter. Est-ce qu'il y a une vidéo YouTube ? Je ne crois pas. Je crois qu'ils ont fait ça un petit peu. Ils ont juste prévenu, justement, le magazine. Enfin, le magazine a été... je ne sais pas comment le magazine a été au courant de cette découverte. Bon, je pense qu'à mon avis, c'est à force de travail. Ça fait des années qu'ils travaillent. Et du coup, forcément, ça a été relaté un peu de droite et de gauche. On a beau dire que la country est immense, ça reste un monde tout petit où tout le monde plus ou moins se connaît, et que les gens savent machin. Et moi, je serais quand même pas très étonné que d'ici quelques semaines, on commence à voir quelque chose de viral prendre là-dessus, parce que c'est quand même un nouveau pas, quoi. C'est pas... Ah bah écoute, on parle quand même d'un pas assez complexe, hein, voire dangereux pour les non-initiés. Donc, ça demande des années de pratique. De toute manière, c'est à mon avis, on est obligé de passer par la famille Marlane, hein, je pense. D'une part, je crois qu'ils ont déposé ce pas. Donc, on ne peut pas le pratiquer en libre choix. Donc, si n'importe qui veut le pratiquer, je pense qu'à mon avis, ça devra se faire... Moyenne en finance pas moyenne en finance, mais je pense que derrière, ils créeront certainement une, pas une école, mais tu vois, ils vont créer quelque chose pour ensuite que ce pas soit accessible au plus grand nombre. Et c'est tout ce que je souhaite pour ma part, parce que franchement, j'ai pu voir à peu près à quoi il ressemblait. Et je pense que ce sera une petite révolution dans le monde de la danse country. J'ai hâte. J'ai vu ce que ça donnait. Franchement, c'est juste une pure merveille. Je te montrerai une vidéo tout à l'heure. T'inquiète pas. De toute façon, c'est prévu que bientôt ce pas soit légalisé, hein, comme on dit. Mais, non, mais tombe un peu dans le domaine public. Voilà, tout à fait. Hein, mais avec parcimonie. Bien sûr. Je te montrerai ça. Merci. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à mon petit coup de cœur de la semaine, et qui est pour moi l'artiste de l'année 2018. Je veux bien sûr parler de... Vous le connaissez tous, hein, forcément. Everett Wilson and the Dancing Brothers and Brothers. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Je vais attendre que tu continues parce que je ne vois pas où tu veux en venir là. Et son dernier album, sorti il y a une semaine, autant dire que c'est du tout frais. Hein, tout frais, tout chaud même, je dirais. tout comme son titre, hein, l'album s'intitule The Rainbow Big Fish What Jump in My Broken Heart. Album enregistré dans le non moins célèbre studio Here Comes the Sun. Tu sais pourquoi Here's? E-A-R-S. Parce qu'on entend mieux dans un... avec les oreilles. Ah non, c'est une petite anecdote en fait. Justement, le directeur et patron du grand studio Here Comes the Sun a rencontré un des membres des Beatles. On ne sait pas lequel, on ne sait pas qui. Hein, à une époque. Et du coup, c'est un petit clin d'œil au morceau des Beatles Here Comes the Sun. D'accord. Hein, voilà. D'accord. Donc, ça reste un studio voilà, qui a vu passer des pointures, hein, telles que Stephen Culligan, quand même. On ne parle pas de n'importe qui, hein, Mister Culligan, s'il vous plaît. Hein, Charlie Lampwick et son banjo fou, hein, forcément. La base. Hein, ainsi que les Sœurs Simpson. Les Sœurs Simpson qui, on ne peut pas dire, ont eu des décennies et des décennies de succès. Hein. Enfin, entre autres, quoi. Tout ça. Par contre, je suis pas du tout d'accord avec toi. J'ai tout le monde sait bien que Everett Wilson a tout piqué à Jim Everett. Même un morceau de son nom. Alors franchement, le prendre en coup de cœur, je te suis pas trop sur ce coup-là. Bah excuse-moi, mais quand même, il a fait un sacré album quand même. Et le nom de l'album, The Color of the Whales Was Sleep in the Mouth Open. C'est un copier-coller. Il a pris les mêmes mots, il les a changés, et c'est la même chose. Alors, je trouve ça facile. Non, mais c'est scandaleux. Tu peux pas. Everett Wilson est un sous-Jim Everett. Non. Everett Wilson était là en 67, mon petit bonhomme, je te rappelle. Jim Everett était là en 65. Ouais, non, mais je pense qu'à mon avis, tu dois fausser un petit peu le. Mais. Je pense qu'à mon avis, tu dois confondre. Mais, tu dois confondre. Je vais quand même être honnête. J'ai beaucoup aimé l'album. Ah. Mais j'ai préféré la version de Jim Everett. La version de Jim Everett est totalement bidon. Jim Everett... Non, je suis désolé, c'est pas un artiste. Je pensais qu'il y avait un débat, mais si tu commences à profaner des insultes... Je ne profane aucune insulte. C'est ton émission, Bobby. Pour ma part, Everett Wilson est totalement légitime sur son album. Voilà, il n'a rien copié-collé de quoi que ce soit. Et pour ma part, Jim Everett. Hein, tout le monde connaît Jim Everett. Tu vas me dire, c'est la première fois que tu entends ce nom. Le père de la country moderne, Jim Everett. C'est pour le père de la country moderne, je suis désolé. T'as fait, dans ta première émission, un dossier sur lui. Non. Celui qui a quand même chanté le Cercle de Feu. Hein, oui. Qui a été une reprise. du grand homme en noir. Je t'ai dit de faire gaffe, merde. Je m'emporte. Je suis désolé, je m'emporte. Tout de suite, toi, c'est la violence. Excuse-moi, je... Hein. Ah, les coups, eh ben, c'est lui qui lui a inspiré. D'accord. C'est Everett Wilson. Hmm? Tu vas pas me dire que, par exemple, Jim Everett, ses tresses, c'était pas inspiré d'Everett Wilson. Non, mais je suis désolé, Bobby. J'étais pourtant sûr que c'était Jim Everett qui... Bien sûr que non. Alors, tu racontes des conneries. Je suis désolé. Alors, tu me revérifieras ça, mais tu dis, non, pour moi, c'est pas justifié, tout ça. Le seul et l'unique, c'est le vrai. On est d'accord ? Oui. Merci à toi. Eh ben voilà, hein, pour ma part, l'épisode annuel de Road to Country, ben on vous remercie de votre accueil, hein, toujours plus présent d'épisode en épisode. N'oubliez pas d'aller sur notre chaîne YouTube, hein, sans nom, où nous venons de poster notre tuto Madison 2019, hein, qui vous servira tout au long de l'année, hein, et nous tenons à remercier notre sponsor, de la paille dans Métiags, un magazine qui, pour tout abonnement de 7 ans, vous offre une paire d'éperons multicolores clignotant et phosphorescent avec clip universel. Ce qui est très important parce que maintenant, les Tiags, c'est plus du tout la même chose. Hein. C'est vrai. On peut plus clipper n'importe quoi. Non, non, c'est vrai que c'est... Il faut absolument faire ça sur mesure. Et forcément, les cordonniers... se font un peu chier, comme je dirais à chaque fois. Donc, le clip universel, c'est une excellente initiative et une très très bonne trouvaille. Hein. Un must-have, hein. N'est-ce pas, Jackie ? Je me suis abonné 2 fois, au cas où si je perds la première paire. C'est bien. Ouais, en même temps, c'est vrai que quand tu danses, des fois, tu fais pas gaffe et puis ça peut partir vite. Hein. Qui n'est pas rentré chez lui en disant « il me manque ma paire ». Il me manque un morceau de ma paire. Et puis un éperon, c'est... je veux dire, c'est comme un... C'est comme une montre. C'est ça, tout à fait. C'est un peu ce qui te représente aux yeux des gens directement. Quoi. Totalement, ouais. Quelle heure il est, comment tu danses, bam bam. Voilà. Ouais, et un bon éperon, c'est un éperon qui est là, qui te tient à la tiague. C'est... On peut pas... C'est une peinture, c'est une œuvre d'art. C'est ça, c'est comme un tatouage. Ouais, c'est ça. Hein. Tu peux pas sortir sans ton éperon. Enfin, je veux dire, j'ai pas de mots, quoi. C'est, T'as tout dit, je pense. Ouais, voilà. Je c'est comme le tout... chapeau. Enfin, je veux dire, c'est l'instrument, le vêtement, tu vois, qui te finit une panoplie. C'est vrai, je suis d'accord. Hein. Voilà, voilà. Et comme le dit si bien notre sponsor, toujours le même, de la paille dans nos tiags. Merci à eux, encore une fois de plus. C'est aussi, et on vient de le dire, de la paille dans nos tiags. Et pour dire, Shania Twain, c'est toujours la 9e tête des ventes et tout le temps... Hi-haw ! Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci à tous. Et merci encore, Bobby. Écoute, tout le plaisir fut pour moi. Et reviens quand tu veux. Et même si... tu veux faire un petit barbecue de ces quatre. C'est gentil. On sera là pour toi. Hein. J'amènerai mes disques de Jim Everett. Dégage. Désolé.